Sainte Bible selon Saint Jérôme, premier livre des rois, chapitre 4. Or le roi Salomon régnait sur tout Israël, et voici les principaux officiers qu'il avait. Azarias, fils de Sadoc le prêtre, Eliorep et Ahia, fils de Siza, étaient scribes. Josaphas, fils d'Ahiloud, tenait les registres. Banaïas, fils de Joïada, commandait l'armée. Sadoc et Abiathar étaient prêtres. Azarias, fils de Nathan, prêtre, commandait à ceux qui étaient toujours auprès du roi. Zabus, fils de Nathan, était ami du roi. Et Ahiazar, intendant de la maison, et Adoniran, fils d'Abda, surintendant des tribus. Et Salomon avait 12 préposés sur tout Israël, qui fournissaient les vivres au roi et à sa maison. Car à chaque mois dans l'année, chacun donnait tout ce qui était nécessaire. Voici leurs noms. Ben-Hur était préposé sur la montagne d'Éphraïm. Ben-Dekar, à Makhsès, à Salébim, à Beth-Sammès, à Elon et à Beth-Anan. Ben-Hézed, à Aroubot, Socho était à lui, et toute la terre d'Épher. Ben-Abinadab, à qui était tout le Néphet d'or, avait Tapfet, fille de Salomon, pour femme. Banna, fils d'Ahiloud, gouvernait Tanakh, Baguedo et tout le Beth-Sam qui est près de Sartana, au-dessous de Jezraël, depuis Beth-San jusqu'à Abel-Mehoula, vis-à-vis de Jekman. Ben-Gaber était à Ramoth-Galaad, et il avait les bourgs de Jaïr, fils de Manassé en Galaad. C'est lui qui était préposé dans toute la contrée d'Arcob, qui est en Bassan, sur 60 cités, grandes et murées, qui avaient des verrous d'airain. Ahinadab, fils d'Ado, était préposé sur Manaïm, Akimaas sur Nephtali, et lui aussi eut Basémath, fille de Salomon, en mariage. Baana, fils d'Uzi, sur Aser et sur Baalot. Josaphas, fils de Pharoé, sur Issachar. Semei, fils d'Ela, sur Benjamin. Gaber, fils d'Uri, sur la terre de Galaad, sur la terre de Séon, roi des Amoréens, et d'Og, roi de Bassan, sur tout ce qui était en cette terre. Juda et Israël étaient innombrables comme le sable de la mer par leur multitude, mangeant, buvant et se réjouissant. Or Salomon avait sous sa domination tous les royaumes, depuis le fleuve de la terre des Philistins jusqu'à la frontière de l'Égypte. Ils lui offrirent des présents et le servirent durant tous les jours de sa vie. Or les vivres de Salomon étaient chaque jour 30 corps de fleurs de farine et 60 corps de farine ordinaire, 10 bœufs gras, 20 bœufs de pâturage, 100 béliers, outre la venaison des cerfs, des chevreuils, des bouballes et de la volaille. Car c'est lui qui dominait sur toute la contrée qui était au-delà du fleuve, depuis Tafsa jusqu'à Gaza, et sur tous les rois de ces contrées. Et il avait la paix de toutes parts alentour. Et Juda et Israël habitaient sans aucune crainte, chacun sous sa vigne et sous son figuier, depuis Dan jusqu'à Bersabée, durant tous les jours de Salomon. Et Salomon avait 40 000 écuries pour les chevaux des chariots et 12 000 cavaliers. Les susdits préposés par le roi les nourrissaient, mais ils fournissaient aussi ce qui était nécessaire à la table du roi Salomon, avec un grand soin et en son temps. Ils portaient aussi l'orge et la paille pour les chevaux et les bestiaux, au lieu où était le roi, selon l'ordre qu'ils avaient reçu. Dieu donna aussi à Salomon une sagesse et une prudence très grande, et une étendue de cœur comme le sable qui est sur le rivage de la mer. Et la sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les Orientaux et de tous les Égyptiens. Et il était plus sage que tous les hommes, plus sage qu'Éthan l'Ézraïte, qu'Éman, Chalcol et Dorda, enfants de Mahol. Et il était renommé dans toutes les nations des environs. Salomon dit 3 000 paraboles, et ses cantiques furent au nombre de 1 005. Et il discourut sur les arbres, depuis le cèdre qui est sur le Liban, jusqu'à l'hysope qui sort de la muraille, et traita des bestiaux, des oiseaux, des reptiles et des poissons. Et l'on venait de chez tous les peuples pour entendre la sagesse de Salomon, et de la part de tous les rois de la terre qui apprenaient sa sagesse. Enregistrement de la Sainte Bible selon la Vulgate, traduite en français avec des notes par l'abbé Gler.